Puis elle va discuter, puis discuter, puis discuter, puis les écoles. Tu parles tout le monde se discute. Elle a pas tiré le moyen. Non, puis trop se rappelle non plus. Trop se rappelle non plus. C'est en dedans, ça. En dedans, ils vont venir vous chercher. C'est en dedans. C'est eux autres qui vont venir vous chercher, puis ils vont vous montrer qu'est-ce que c'est la nouvelle psychologie. Pas vous autres, vous n'avez rien trouvé, vous autres. L'homme ne trouve rien par lui-même. Pourquoi? Parce que l'homme a de l'ego. L'homme pense. Tu peux pas penser de savoir quelque chose, c'est impossible. Tu peux penser pour penser que tu penses quelque chose. Tu peux penser que tu penses que ce que tu sais, c'est ça. Mais c'est quand tu es capable de penser que tu commences à comprendre qu'est-ce que c'est. Comment est-ce qu'on explique dans notre mauvaise psychologie que les plus grands créateurs du monde, depuis que j'en ai l'homme, ont toujours été les grands égocentriques. Car les égos sont riches, ont toujours une base pour la création. Parce que l'unité de l'homme, peu importe. Bon. C'est très étrange, mais prenez n'importe quel... Je vais vous dire une chose. Le monde est descendu jusqu'à aujourd'hui, puis le monde s'en va de même. Fait que les grands créateurs d'antan, avaient tout leur ego. Ils avaient tout leur égocentrisme. Ils avaient une très forte intuition, c'est ce qui a fait d'eux de grands créateurs. Mais... Très égocentrisme. Demain, les grands créateurs fonctionneront plus comme les grands créateurs d'antan. Parce que leur psychologie va être différente. C'est évident que c'est un ego qui est bien smart, qui est bien intuitif. Il va être très égocentrique parce qu'il se prend pour un autre. Mais non, c'est lui qui vient de développer tout ce système-là. Qu'est-ce que tu penses? Il pense que c'est lui qui a développé tout ce système-là. Mais tant qu'il va commencer à développer encore d'autres systèmes, encore plus fantastiques, puis il va réaliser que c'est pas lui, mais que ça passe par lui, là, à ce moment-là, son égocentrisme va être changé en centrisme. C'est ça la nouvelle psychologie. Fait que, l'ancienne psychologie, puis tout ce qu'a fait l'homme depuis des milliers d'années, il n'y a rien là. Quand vous serez en contact assez fort avec eux autres en haut, vous irez dans des grands centres de recherche, comme des grands centres de médecine, des grands centres d'études chimiques, des grands centres de recherche biogénétique, puis toute la patente, puis qui vont vous parler eux autres, ils vont vous expliquer, puis ils vont tous vous les détruire dans votre tête, les systèmes qui sont là. C'est là que vous allez apercevoir que l'homme a de grandes choses à faire. Mais il ne travaillera pas avec ces forces-là tant qu'il ne sera pas centré. Parce que l'homme détruit. Il y a des grands hommes qui ont fait beaucoup pour l'humanité. Puis qui ont fait beaucoup de bien. Puis qui ont fait beaucoup de mal. L'ancienne psychologie, tout le bon de l'ancienne psychologie, ça faisait partie de l'évolution. Tout le mauvais, ça faisait partie de l'évolution. On est dans un nouveau cycle. Fait, on est obligé, à un moment donné, quand le cycle change, de changer nos lunettes. On peut plus voir de la même façon. On peut plus. Puis éventuellement, vous pourrez plus. Mais tant que vous allez pouvoir, vous allez faire. Mais un jour, vous pourrez plus. Je pense qu'il faut passer par le décentré pour avoir le décentré. Vous êtes tous égocentriques. Toute la crise de gang, vous êtes égocentriques. Ouais, parce que vous avez tout de l'ego qui est basé sur une fonction qui est personnelle à lui-même. C'est de penser qu'il pense. Puis c'est de penser qu'il est intelligent. Puis c'est de penser qu'il est savant. Puis c'est de penser qu'il a de l'intelligence, qu'il est capable de développer et de comprendre tout. Un jour, quand ils vont vous accrocher aux autres, ils vont vous mettre ça à terre. C'est ça la nouvelle psychologie. Et c'est une nouvelle pour vous autres. Je l'ai vécu. C'est ça que je vous perds pendant quelques années. Parce que je vous perdrai pas longtemps demain. Fais voir. Oui. Tant que ça fait partie de votre plan de vie qu'il n'y a pas trop de contact, ça marche. Et quand il commence à te contacter, Charlie, puis qu'il commence à te changer ta vibration de ta pensée, puis que tu commences à t'apercevoir que ta pensée, là, c'est plus ta pensée, là, c'est une autre pensée, puis la vibration descend, puis elle descend, puis elle descend dans le mental, puis dans l'émotionnel, jusque sur le plan matériel. Ta psychologie, elle change. Le problème dans le monde, on va vous dire qu'est-ce que c'est, puis c'est un problème qui est intéressant. C'est que les intellectuels forment le monde, les créateurs forment le monde, ce sont les intellectuels et les créateurs qui détruisent le monde. Parlez-moi pas des intellectuels. Ils font les deux. Ils font les deux. Pourquoi? Parce que l'égocentrisme n'a pas de discernement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Puis les gens simples sont obligés de vivre la destruction de ces grands esprits. Et aussi, le contraire. Déjà, c'est ça. Seulement, il y a une chose. Vous autres, les intellectuels, vous pensez que le progrès, c'est linéaire. C'est pas linéaire, le progrès, c'est cyclique. Regardez, toutes les civilisations, la Grèce, la Perse, la Chaldée, toutes les civilisations, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. D'accord. Puis il y a un autre site. On rentre dans l'autre site. C'est un nouveau cycle de vie. C'est ça que j'essaie de faire comprendre au monde. C'est un nouveau cycle de vie. Je peux lancer ça. Ce qui était bon dans le passé, ce qui était essentiel dans le passé, ce qui était bien fait dans le passé, ce qui était mal fait dans le passé, ça serait totalement autre. Prenez un scientiste. Il veut construire une machine avec des roues. Il étudie, puis finalement, avec son intuition, il construit une machine avec des roues. Par son intellect. Je connais ça. Sa vision est unificable. Mais quand eux autres te disent, tu ne construiras pas de machine avec des roues, tu vas construire une autre sorte de machine. Ça marche de telle façon, telle façon, telle façon, telle façon. Parce que les roues retardent l'évolution. Parce que les roues vous lient à la Terre. Les roues vous forcent à être soumis à la gravité terrestre. Scientiste n'a plus de choix. Il est obligé de construire une machine qui n'a pas de roues. Ça, c'est nouveau scientiste. L'air spatial. Pardon? L'air spatial. Pas l'air spatial. Elle n'a pas commencé, l'air spatial. Elle a commencé quand même. Ben non, elle n'a pas commencé. Ben non. C'est l'air planétaire qui a commencé. L'air spatial n'a pas commencé encore. Même pas Carl Sagan. Même si Carl Sagan n'est pas capable d'admettre qu'il y a des civilisations qui peuvent parler de partir d'un point dans la galaxie et venir visiter ça. En public, il n'est pas capable. Mais en privé, il est capable. En privé, il est capable de me dire, moi, en privé, je peux pas le dire en public. Qui vous avez dit? Sagan. C'est de l'énergie, c'est plus énergétique, c'est une brume énergie. Inquiétez-vous pas de ski. Tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous indiquer. Vous avez vraiment, comme vous avez dit tout à l'heure, s'il était vraiment énergétique, immensément énergétique, il n'aurait pas peur de le dire. Vous avez dit, il s'en ficherait de tout le monde, c'est pas petit. Il y a des scientistes qui sentent et qui savent beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que le niveau de conscience n'est pas assez puissant. Parce que quand vous travaillez avec de l'énergie, madame, vous ne travaillez plus dans la société de l'âme. Il faudra bien y commencer un jour. Vous fondez une nouvelle société. Il faut commencer. C'est déjà commencé. Un homme qui travaille avec de l'énergie ne peut pas travailler dans une société parce qu'il démolit automatiquement les anciennes formes. Si la société doit vivre son cycle jusqu'à la fin, elle le vit son cycle.